Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Robert Gravel, le théâtre autrement. Faire pousser du gazon, par exemple, dans un théâtre, ou rentrer une tonne de terre, rentrer des grosses roches, c'est pas des choses qui sont évidentes dans des théâtres. Et manipuler le lieu scénique aussi, le lieu théâtral comme tel. Fouiller, par exemple, l'espace libre, c'est un endroit qui est fouillé présentement dans tous les sens. Aucun spectacle n'a la même configuration. Les spectateurs sont jamais assis de la même façon. Pour moi, avant tout, c'est une recherche de liberté. Cette recherche de liberté dont parle Robert Gravel au micro de Winston McQuaid à l'émission Les Belles Heures en janvier 1990, cette recherche de liberté donc va le conduire toute sa vie à faire un théâtre qui sort des cadres et des conventions établies. Co-fondateur du Nouveau Théâtre Expérimental et de la Ligue nationale d'improvisation, Robert Gravel va passer sa vie à s'amuser, à réinventer le théâtre. Oh mon Dieu, oui, j'allais voir les pièces. Une des pièces, c'est Le Roi boiteux. C'est une pièce de 10 heures, ça. C'était quelque chose. Est-ce que ça vous arrivait d'être choqué par certaines choses que vous avez vues dans ces pièces-là? Parce que c'était pas du théâtre conventionnel, là. Je disais, c'est du théâtre que, des fois, je comprends pas. Il disait, Mom, comprends ce que tu veux comprendre. Mais j'ai dit, j'aime ça parce que j'aime le jeu des comédiens, des comédiennes, puis j'aime tout ça. Mais des fois, là, le fil de tout ça, là, je le paye. Et c'est pas grave, ce moment. Prends ce que tu peux prendre, puis aimais ça que j'y allais. Ça l'a encouragé. Quand Robert est mort, la famille, elle a un peu éclaté quand même. C'était le père de la famille, Bob. Une famille choisie. Hein? On ne choisit pas ses frères et ses sœurs, mais cette famille-là a été choisie par Bob. Et le bonheur y régnait réellement. Moi, ma première réaction quand il est mort, quand j'ai reçu l'appel vers 7 heures le matin, au déjeuner avec les enfants, puis ma première réaction, c'est que j'aurais plus jamais de fun. Puis je l'ai pleuré pendant... Le comédien Jacques Lheureux, dans le documentaire réalisé par Jean-Claude Coulbois en 2011, « La mort subite d'un homme de théâtre ». Et juste avant, c'est sa mère, la mère de Robert Gravel, Rose-Hélène Gravel, que vous entendiez dans le documentaire « L'homme qui avait toujours soif », diffusé à notre antenne en 2017, pour nous rappeler qui était Robert Gravel, pour nous rappeler aussi son importance dans l'histoire de notre théâtre. Je reçois justement le comédien Jacques Lheureux. Jacques Lheureux, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous l'avez bien connu, on vient de l'entendre, Robert Gravel. Vous l'avez connu à la LNI, à la Ligue nationale d'improvisation. Vous avez travaillé beaucoup avec lui. Vous êtes devenu un ami proche de Robert Gravel. On entend, je ne sais pas ce que ça vous fait de réentendre cet extrait, mais on entendait l'émotion dans votre voix, évidemment, quand vous parliez de votre ami au moment de sa mort. Parlez-moi de lui. D'abord de l'homme, on parlera de l'homme de théâtre dans un instant, mais quel genre d'homme était-il? Bien, dans l'extrait, je dis que je l'ai pleuré longtemps. Maintenant, je ris avec lui. Oui. Maintenant, quand je pense à Robert, je pense à aux grands gaillards un peu concombres qui faisaient des jokes puis qui faisaient rire tout le monde. Puis tout le monde voulait être près de lui. Donc, les souvenirs que j'ai maintenant sont joyeux. Parce que c'est un gars qui nous obligeait à être heureux. Ouais, c'était comme un... Ça faisait tellement partie de lui qu'il imposait le bonheur autour de lui. Exact. On n'avait pas le droit d'être malheureux. Si quelqu'un disait dans une répétition ou je suis malheureux un peu sur... Il arrêtait tout et puis il réglait le problème. Tout de suite, immédiatement. Fait qu'avant de dire que tu étais malheureux sur quelque chose, il fallait être sûr de son coup. Fait qu'il faisait rayonner le bonheur. Ouais. Parlons de l'homme de théâtre, le géant qu'il a été sur le plan théâtral, impro, mais plus que ça, le théâtre d'expérimentation. De quelle manière il a été important, de quelle manière il a marqué notre théâtre national? Bien, c'est par sa recherche de faire les choses différemment. Le non-jeu, le fait de pratiquer un théâtre non conforme, tu sais, non déclamatoire, même au niveau des décors, des costumes, de l'éclairage. Il y a toujours eu une recherche sur tous les aspects du théâtre. Et évidemment, avec Jean-Pierre Onfort, ils exploraient mais vraiment explorait des façons de travailler pratiquement, soit en unanimité ou soit avec des autogestions. Donc, il faisait du théâtre autrement. Oui. Renouvelé que dans les sans grandes cesse. Institutions avec un boss en haut puis tout le monde qui disait que c'est ce que le boss fait. T'sais. On a travaillé souvent en autogestion où la règle de l'unanimité devait exister. Ça, c'est extrêmement dur à faire dans un groupe, tu comprends? Alors, il brassait les cartes beaucoup. Ça, c'est intéressant. Au fond, c'était un théâtre nouveau pour les spectateurs, bien sûr, mais aussi pour les comédiens qui participaient à son théâtre. Ce qui est fascinant quand on regarde son parcours, c'est sa mort, évidemment tragique, à un âge très jeune. Il meurt en 96 à 51 ans. Mais j'allais dire surtout l'unanimité, les réactions que va provoquer cette mort-là. Des témoignages nombreux. On parle de lui comme d'un mentor. Le comédien metteur en scène Yves Desgagnés va même le décrire comme le pape de la nouvelle génération d'acteurs. On va parler de ça dans un instant, Jacques Leroux. Mais on écoute d'abord les témoignages de la comédienne Sylvie Legault et du comédien Luc Senné à l'émission Le Point, justement au moment de la mort de Robert Gravel en août 1996. Bien, c'est ça. C'est un grand homme respectueux. Puis c'est ça, je me rappelais de lui parce qu'on faisait... Il y a plein de souvenirs qui me sont venus. Alors tout le monde parlait, puis lui, il parlait à la fin. Et si on l'interrompait, il s'arrêtait. OK. Et là, il reprenait. En tout cas, tu apprends le respect avec cet homme-là. Puis c'est aussi un homme qui transmet sa connaissance. Il a été un temps le premier mondial d'improvisation. Tu sais, quand c'est une gloire d'être capitaine. Ouais. Bien, il fait « Sylvie, on se partage ça les deux. Parfait, pas de problème. » Et il te donne le petit conseil juste avant d'aller dire ton mot du capitaine. Je veux dire, c'est un homme... Il donne, tu sais. Un homme ouais, respectueux, puis il avait des belles joues. C'est né. Ben moi, je dirais que... Robert, il est géant, hein? Physiquement aussi, ouais. Ben, surtout comparé à moi, là. Mais il est géant, mais il y avait comme un océan de sensibilité à l'intérieur de cet homme-là, et qui n'était pas perceptible tout de suite. Il fallait comme être un peu plus en intimité peut-être avec lui pour le découvrir, mais je garde de lui, et pour longtemps, un être généreux sans frontières. Que représentait donc Robert Gravel, Jacques Leroux, pour le milieu théâtral québécois? À quoi tient cette immense affection qu'on lui portait? Je pense que c'est le mot « liberté ». On voyait un gars libre. Il faisait ce qu'il voulait faire, pas ce que les autres lui commandaient de faire. Et puis, il transmettait ce besoin de liberté. Les acteurs angoissés, ils leur disaient « Non, il ne faut pas être angoissé, on n'est pas dans une mine de charbon en train de pelleter, là. On fait des sketchs, là. On veut faire... Le monde, quand on rentre sur scène, ils veulent juste t'aimer. Alors, essaie de ne pas avoir le trac. » Ils nous disaient « Il ne faut pas avoir le trac, ce n'est pas nécessaire. Les gens veulent juste nous aimer. » Donc, c'est son approche de grande, grande liberté était... Il communiquait beaucoup à tout le monde, à ses élèves, aux gens avec qui il travaillait. Mais il y a quelque chose de ça, le sage, le passeur, non? Oui, oui, mais avec une boutade. Oui. Avec un... Oh, faut pas se prendre au sérieux, tu sais. On va faire une pièce de théâtre où on pige les répliques. Puis on fait les répliques qu'on va piger dans un chapeau. Tu sais, il faisait des affaires un peu iconoclastes qui se faisaient pas, puis qui surprenaient le monde autour de lui. Mais un exemple de ça, c'est l'histoire de la première de Durocher. Il y a une tradition un peu, depuis une vingtaine d'années au théâtre, tu fais un cercle avant la représentation, tu tiens par la main, puis quelqu'un parle, dit « OK, ça va bien aller ce soir ouais. ». Mais la toute première ronde de l'amitié qu'on a appelée, c'est Robert, pour nous rassurer, pour nous dire « Peut-être qu'il n'y aura pas un chat à la fin de la pièce, mais on a fait ce qu'on voulait faire. » C'est ça qui est important. Oui. C'est important de faire ce qu'on veut faire, même si des fois ça peut indisposer certaines âmes sensibles, le public, enfin. Ouais. Ben oui, mais... Et il y aura un bon exemple de ça quelques mois avant sa mort, le spectacle Nudité qu'il va coécrire avec Alexis Martin. Ce spectacle-là va faire la manchette, va justement, provoquer une certaine controverse, blesser certaines âmes sensibles. On écoute un extrait du téléjournal du 4 mai 1996 où justement il est question de cette controverse autour de ce spectacle. Nudité. La police de la communauté urbaine de Montréal a forcé l'annulation la nuit dernière d'une pièce de théâtre très particulière, ce qui devait être la dernière représentation de Nudité par le Grand Théâtre émotif du Québec. Pourquoi particulière? C'est parce que cette pièce prévoit que les comédiens et le public doivent être complètement nus. D'où cette intervention de la force constabulaire qui veillait au respect des bonnes mœurs. Marie Cloutier raconte. Nous n'avons pas le droit, apparemment, de demander au public de se mettre tout nu pour venir voir un show. D'autre part, quand il y a des couples tout nus sur une scène, ça a l'air qu'il faut avoir un permis pour spectacle érotique. C'est donc vers minuit, à leur arrivée au théâtre, que les spectateurs qui s'attendaient à vivre une expérience unique ont appris la nouvelle. Moi, je trouve ça un peu absurde. Je trouve qu'on n'a pas changé depuis Les filles ont soif. Je trouve qu'on a... Premièrement, il n'y avait rien là. Je trouve que c'est une démarche artistique. On fait du lap dancing, puis on s'empêche de juste voir que ça ferait d'être tout nu et de voir des acteurs nus et de vivre la nudité. Je suis déçu. Qu'est-ce que ça nous dit, cet épisode du spectacle Nudité sur le théâtre de Robert Gravel, sur sa vision, la vision qu'il avait du théâtre, Jacques Lheureux? OK, premièrement, c'est pas l'idée de Robert de mettre le monde tout nu. Ouais. Mais on a vu dans l'extrait qu'on a entendu Robert rire. Mais je pense que c'est ça, là. Il faut... C'est pas de la pornographie, là. C'est une expérimentation théâtrale. Si les gens sont game de se mettre tout nu pour aller voir une pièce, pourquoi pas? Ouais. Je veux dire, regarde, c'est leur liberté, c'est la liberté de chacun. Mais je veux dire, c'est parce que ça, les radios poubelles ont commencé à chialer que c'était épouvantable que nos taxes payent pour les gens se mettre tout nus. Je veux dire, ils confondent pornographie puis naturisme, là. C'est n'importe quoi. Ouais. Et ça, c'est un exemple, mais il y en aurait plein d'autres. Ce théâtre qui nous amène ailleurs, son théâtre est fait de ça, en fait. Ben oui, mais c'est du théâtre expérimental. Comment? Jean-Pierre disait tout le temps, ils leur ont dit que c'était pas possible, alors ils l'ont fait. Mmh. Alors c'était un peu le credo de Robert et de Jean-Pierre. On n'a pas le droit de faire ça, on va le faire. Puis ils le faisaient la plupart du temps, et bien, tu sais. Alors c'est de pousser le genre théâtral un pas plus loin, dans le jeu, dans la mise en scène, dans même le grand cirque de vie et mort du roi boiteux là, qui durait 15 heures, là, avec des costumes faits avec des guenilles, puis des bols, puis des soucoupes pour faire des costumes. C'était une recherche théâtrale. Ouais. Un, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, puis deux, parce que c'était vraiment intéressant pour le public aussi de voir tout ça. Cette collaboration, deux ou trois fois déjà, vous avez mentionné le nom de Jean-Pierre Onfard. Cette collaboration entre Robert Gravel et Jean-Pierre Onfard, elle va être fondamentale dans l'œuvre, dans l'héritage que nous laisse Robert Gravel. On les écoute l'un et l'autre parler de leur mode de fonctionnement, je dirais, à l'émission Christiane Charette en direct en octobre 1993. Bon, en lisant les entretiens et puis en parcourant le parcours de Jean-Pierre Onfard, on n'échappe pas à Robert Gravel. Non. On n'avait pas le choix, finalement. On était obligé de l'inviter, lui, aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que c'est un des grands camarades de travail de Onfard. Ça commence à faire longtemps, là. 23 ans. C'est pas vrai. 23 ans, oui. Et vous êtes encore ensemble en train de travailler. Vous avez encore des idées qui vous excitent mutuellement, tous les deux. Oui, je pense que ça fait partie en tout cas, la source d'énergie de base du théâtre expérimental, c'est vraiment cette interaction entre Jean-Pierre et moi qui... Même quand on s'éloigne, quand on fait chacun nos choses, c'est toujours par rapport, quand même, ce travail-là. Et souvent, on est mêlés dans la même expérience. Mais comment ça fait qu'il n'y a pas de lassitude, qu'à un moment donné, vous êtes... Bon, je ne sais pas, moi, vous le connaissez par cœur, vous savez toutes les idées qu'il va avoir. Il est encore surprenant. Il peut être encore très étonnant. Hein? Ce qu'il y a, bon, puisqu'on parle de ça, du rapport entre comédien et metteur en scène, il y a une chose très étrange qui s'est passée, mais depuis le début, avec Robert, depuis qu'on travaille, c'est-à-dire depuis 23 ans. Ouais. C'est que on se parle très peu. On se donne des indications, mais très légères. Et c'est souvent un regard, un petit cri, un puis off. Pas plus que ça, qui fait la relation entre Robert et moi quand on travaille ensemble. Mais on ne parle pas beaucoup de philosophie ni de construction du personnage. Et simplement des petites approches, mais très, très délicates, finalement. Jamais d'engueulade. C'est très rare. Jean-Pierre Onfard et Robert Gravel à l'émission Christiane Charette en octobre 93. Vous entendiez aussi le critique du Devoir parfois là, dans cet extrait, Robert Lévesque. Donc la rencontre va se faire très tôt après la sortie du conservatoire de Robert Gravel. Très tôt, il rencontre Jean-Pierre Onfard. Ça va donner quoi, Jacques Lheureux, cette rencontre-là sur le plan artistique? Ils se sont rencontrés quand Jean-Pierre a fondé la troupe des jeunes comédiens du TNM qui allait partout en tournée à travers le Canada. Et il jouait des pièces, il jouait à partir de pièces de répertoire, mais parallèlement à ça, faisait de la création collective. Puis c'est là que ça a commencé, leur échange, Jean-Pierre et Robert, sur des créations collectives qui montaient dans la troupe des jeunes comédiens du TNM. Ensuite, ils ont fondé le Théâtre expérimental de Montréal, où ils ont commencé une collaboration plus intense, puisqu'ils faisaient 6-7 pièces par année. Oui. Et toujours avec cette... On a l'impression que c'est deux âmes sœurs, en fait, qui travaillent ensemble. Oui, mais puis il a dit quelque chose d'important. On se parle à peine. On n'a pas besoin de se parler. Il y a un regard ou quelque chose comme ça. Faire confiance aux gens. Ce qu'on aimait de Robert, c'est que quand il nous prenait dans ses pièces, il ne nous donnait pas des notes jusqu'à 2h du matin avec 24 pages de notes, comme ça se fait au théâtre traditionnel. Un mot, une phrase. Oui. Du Rocher le milliardaire, j'ai reçu une indication. Jacques, il est zen. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il est zen. Puis ça a été assez pour me donner... Tu sais, il fait confiance aux gens. C'est pour ça qu'on l'aime tant aussi. Ça a été quoi pour vous, vous en parlez, c'est la deuxième fois que vous en parlez de la pièce du Rocher le milliardaire. C'est vrai que c'est un gros morceau dans le théâtre de Robert Gravel. Qu'est-ce que ça a été pour le théâtre de Gravel et pour vous, cette expérience-là de du Rocher le milliardaire? Le plaisir fou de jouer dos au public sans projeter, en parlant comme si on avait une conversation dans un salon. Le public, au lieu d'être outré, était fasciné. La première fois que Luc Senet s'est jeté dans la fausse piscine de Durocher pour faire des longueurs, le public a ri tellement longtemps que le temps de musique qu'on avait pour cette scène-là était dépassé, puis on a joué la fin de cette scène-là dans le silence complet pendant un autre 5 minutes de rire de spectateurs. Alors, c'était extrêmement jouissif, mais en même temps, on l'a répété peu, parce qu'il faisait confiance. La scène, on l'a répété 2-3 fois. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Oui, d'accord, on le refera en général. Puis, voilà. Tu sais, c'est la façon de travailler sans angoisse, sans « Ah, le créateur maudit qui se déchire la poitrine parce que... » Tu sais, non, ça n'existait pas chez Robert, ça, ni chez Jean-Pierre. Avec, en même temps, parce qu'on peut, en vous écoutant, on peut se dire, bon, tout était dans la légèreté, mais en même temps, je reviens là-dessus, non. Du Rocher le milliardaire, il y a une vraie recherche, il y a des thèmes importants, l'amitié, l'argent... Non, mais c'est pas à la légère, au contraire, l'argent... Puis on était rigoureux, on buvait de l'alcool vraiment sur scène, mais on était rigoureux, on se mettait pas chaud pour plus savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça nous détendait. Étonnant quand même, de dire, prendre un verre sur scène, tu dis, là, je ne serais jamais capable de prendre un verre sur scène, je suis même trop nerveux. Au contraire, ça nous détendait. Puis on était même meilleurs, je dirais. Mais il y avait cette phrase sur Robert, gérez votre alcool. Allez pas, tu sais, gérez votre alcool. Ouais. Mais peu importe l'alcool, c'est la liberté que les spectateurs voyaient sur scène, quelque chose de intrinsèquement différent de ce qui se faisait dans les autres théâtres. Ouais. Robert Gravel, sur scène, c'était aussi, on n'en a pas encore parlé, mais un maître de l'improvisation. C'est un des fondateurs de la Ligue nationale de l'improvisation. Ben oui. C'est vraiment son bébé, cette affaire-là. Je pense qu'il était très fier de ce que c'est devenu. Ben oui. Parlez-moi de ça, du Gravel à l'improvisation, du Gravel improvisateur. Bien, Desgagnés disait que c'était un pape. Mais c'était le pape de l'impro, ça, c'est sûr. Il a créé le jeu avec son ami Yvon Leduc. Mais de convaincre une douzaine d'acteurs d'aller dans une patinoire, improviser sans filet sur un thème lu par un arbitre, puis de laisser les spectateurs choisir qui était le meilleur, ça a été une grosse côte à monter pour lui, avant que les gens fassent « t'es malade, jamais je veux faire une affaire de même », puis on veut dire c'est anti-théâtral que de choisir qui gagne, qui perd, ça n'a pas d'allure. Mais finalement, ça donne un jeu qui est un jeu théâtral, qui est le fondement même de la société. Les gens, tout le monde veut être le meilleur, veut avoir l'étoile, veut être sur la première page du TV Hebdo à l'époque. Tu sais, il disait, pourquoi ne pas être honnête puis dire, bien, forcez-vous, puis si vous êtes bon, le public va vous aimer. Mais il faut le prendre avec un gros, gros, gros grain de sel, cette compétition-là. Parce que quand l'impro est bonne, c'est parce que les acteurs s'écoutent, puis s'entendent, puis construisent. Quand l'impro est pourri, puis ça arrive souvent, parce que les gens ne s'écoutent pas, puis ils font n'importe quoi. Alors il nous a forcés à être humbles, à jouer vrai, Et lui, c'était le maître de tout ça. Alors, tout le monde voulait jouer avec lui. Un, parce que si on gagnait le point, on était super fiers. Puis deux, ben, parce que jouer avec un grand improvisateur comme ça, c'est du bonbon. Ouais. Un petit mot sur... parce qu'il a été aussi présent, puis au petit et au grand écran, et c'est peut-être comme ça, je pense à son personnage dans l'héritage de Victor Lévy-Beaulieu. C'est probablement comme ça que le grand public l'a le plus connu. Ouais. Même si ça reste, je pense, d'abord et avant tout, un homme de théâtre, Robert Gavel. Ça représentait quoi pour lui, le petit écran, le grand écran? Ah, ben, je veux dire, nous sommes tous des pigistes, on a tous besoin de gagner nos vies. Et lui, le premier, il était soutien de son théâtre et tout ça. Donc, il avait besoin, dans la vie, d'avoir des sous pour vivre, payer ses loyers. Donc, c'est pas au théâtre expérimental où on fait de l'argent. C'était dans le cinéma, la télévision et tout ça. Sauf que, une anecdote intéressante, c'est qu'il ne changeait pas une seule virgule de ses textes. Il le disait intégralement. Ce qui fait, des fois, quand on l'écoutait à l'écran, il sonnait un peu faux. Parce qu'il disait le texte intégralement. Puis, quand on jouait ses pièces, on devait jouer son texte intégralement à la virgule. J'ai un monologue de 45 minutes dans Thérèse, Tom et Simon. Il me suivait avec le texte en arrière. Puis là, il me disait, ah, t'as sauté cette virgule-là. Tu sais, à la blague, évidemment. C'était pas des reproches. Mais j'étais fier quand je faisais un 10 sur 10, tu comprends? Mais lui, il devait gagner sa vie comme tout acteur, et il l'a bien gagné parce que les gens aimaient ses personnages. Par exemple, Gone Bitch dans l'héritage, écoute, c'est quel personnage. Il est mort donc en 96. Il est mort trop jeune, oui. Trop jeune. Et ça fait partie probablement du choc qu'a provoqué sa mort, l'âge à laquelle il est mort. Mais c'était plus que ça. 20 ans, plus de 20 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de ce bonhomme-là? Quel souvenir on garde de lui? Quel héritage il nous a laissé? Bien, il a été présent comme professeur au conservatoire, à l'École nationale. Il a côtoyé énormément d'élèves. Il a transmis sa façon de faire du théâtre aux gens avec qui il travaillait dans ses pièces et dans les pièces de Jean-Pierre. Je pense que l'héritage y est là. On parle de dizaines et de centaines d'acteurs, d'actrices, les décors, les costumes et tout le monde avec qui il a travaillé, il a quand même semé cette façon-là de faire du théâtre dans le bonheur et non pas dans l'angoisse. Et je crois que ça existe encore aujourd'hui. Et il a fait des petits... toutes les jeunes troupes, même s'ils ne savent pas, ils expérimentent, elles aussi, ces jeunes troupes-là. Tu comprends? Il y en a plein de jeunes troupes de théâtre qui... Même s'ils ne savent pas vraiment, ils expérimentent. Et puis c'est ça qui est son héritage, finalement. Ouais. Jacques Lheureux, comédien, ami, collaborateur de Robert Gravel, ça a été un immense bonheur de vous entendre nous parler de votre ami, justement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait bien plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.